Découvrez les grands classiques. Découvrez ceux qui le deviendront. Swingé, groové. 21h-22h. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie Van Cutsem, bonjour. Bonjour à tous. Les agriculteurs ont besoin de souffler. Vous le savez, c'est un secteur dans lequel ces travailleurs sont souvent épuisés. Les fermes, surtout celles où on élève du bétail, exigent une présence de tous les instants. Ce matin, le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, a signé la prolongation d'une subvention régionale qui va accorder 1 million d'euros à un service d'entraide qu'on appelle les services de remplacement agricole. Et ils permettent de trouver des solutions lorsque l'exploitant d'une ferme tombe malade, se blesse ou est retenu par une obligation familiale. Des services qui ont été mis sur pied en 1977 et qui sont de plus en plus sollicités par leurs 4700 adhérents en Wallonie. Et pas toujours pour des cas pénibles, comme l'explique Christiane Kayser. Elle coordonne l'un de ses services dans le Luxembourg. L'autre jour, un agriculteur qui m'avait réservé donc un agent parce que sa femme allait accoucher la semaine suivante. Et puis une heure après, il me téléphone, catastrophé, je suis à la maternité, il faut que quelqu'un vienne traire mes vaches. En fait, des situations comme ça arrivent de temps en temps pour des belles choses. Quoi. Qu'est-ce que vous demandez aux agents que vous engagez? Ce que je réclame, c'est qu'ils soient disponibles, qu'ils soient discrets. Mais la première priorité, c'est qu'ils soient disponibles, oui. Puis ils doivent se faire au caractère de l'agriculteur, mais aussi à la façon de travailler, chaque fois s'adapter. Il faut chaque fois rebondir, en fait, parce que c'est tous les jours que ça change. Des propos recueillis par Karl Defoy. De plus en plus de Belges travaillent chez eux. Leur nombre a augmenté de 21% en 5 ans. Ce sont les chiffres du SPF Économie. L'augmentation est la plus importante en région bruxelloise, avec 31%, suivie de la Flandre, 25%. Et la formule a visiblement moins d'adeptes en Wallonie, puisque là, l'augmentation n'est que de 8%. Le télétravail est aussi pratiqué plus souvent dans le secteur public que dans le privé. La population syrienne est victime d'une violence indescriptible. Le chef des opérations militaires de l'ONU lance ce cri du cœur dans un intense silence médiatique au sujet de la Syrie. Stephen O'Brien a repris la parole au Conseil de sécurité de l'ONU et son bilan est terrifiant. Les combats s'intensifient et la population qui vit dans les zones assiégées comme la ville d'Alep est coupée du monde. Depuis le début du mois d'août, aucun convoi humanitaire n'est parvenu à ces civils piégés par la guerre. Le peuple syrien a déjà supporté une violence insoutenable et indescriptible. Des barils de TNT, des bombes à fragmentation, des attaques chimiques, du napalm, des attentats suicides, des snipers, des bombardements sur des écoles, des hôpitaux, des quartiers de civils, des viols, des détentions illégales, des tortures, des villes entières assiégées et la population délibérément affamée. Vous avez le pouvoir d'une simple signature en bas d'un document d'autoriser que la nourriture arrive à ces gens. Nous sommes prêts. Dès que nous avons le feu vert, nous pouvons leur venir en aide en 24 heures. Mais nous avons besoin de l'autorisation de toutes les parties pour faire notre job. Et l'ONU implore les forces en présence d'accepter un cessez-le-feu hebdomadaire de 48 heures. Et cela pour permettre aux humanitaires d'avoir accès à ces 2 millions de personnes bloquées dans 34 localités assiégées en Syrie. Ils reviennent ce soir, les athlètes belges qui ont participé aux Jeux Olympiques atterrissent vers 19h à Zaventem. Inutile d'essayer d'aller les voir, ils seront reçus discrètement par leur famille, par le COIB, et puis ils sortiront via une porte interdite au public. Le grand rendez-vous des athlètes avec le grand public, ce sera pour plus tard, pour le 9 septembre, au mémorial Van Damme. En attendant, les Red Lions, l'équipe belge de hockey, est passée de la 6e à la 5e place au classement mondial. C'est une conséquence du beau parcours de l'équipe aux JO et de leur médaille d'argent. Et tant qu'on parle des JO, les Jeux Paralympiques, c'est pour bientôt. Ils commenceront le 7 septembre, mais sans les Russes, c'est confirmé. La délégation avait été suspendue à cause du scandale de dopage d'État en Russie. Les athlètes russes avaient fait appel devant le tribunal arbitral du sport, mais celui-ci a confirmé aujourd'hui la suspension des athlètes russes. Voilà pour les infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. Walid et toute son équipe sur la première pour C'est presque sérieux. Merci Marie, on vous retrouve tout à l'heure à 16h30 pour la suite des infos. Le PC portable Asus disque dur 1 Tera à 499€. Chez Cora, PC ça veut dire pas cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. La première avec Walid. Les étudiants francophones en médecine ont déposé un préavis de grève à durée indéterminée pour la rentrée académique. C'est-à-dire que ça va être un peu... Oh, la pression qui est sur le corps enseignant. À Toulouse, il a fait très chaud pendant cet été. Les prisonniers ont très chaud la nuit et il y a un détenu qui s'est fait piquer avec une piscine gonflable. Avec Pietro Angelo qui a dégagé la rondelle. Et ça passe. Ça rentrait ou pas? Non. Mais les JO, c'est aussi l'occasion de voir beaucoup de sports improbables. Mon préféré, c'est évidemment l'improbable 50 mètres marche. Cette course où il était en train de courir. Ce marcheur français, vous en avez peut-être entendu parler, qui en pleine course a dû, pour le dire pudiquement, faire face à des problèmes gastriques. Ce qui a fait qu'on a tous évidemment été soulagés de le voir arriver sain et sauf à la fin de la course, tandis que lui, soulagé, il était déjà pendant. Le journal 20 minutes a même osé titrer « Johan Diniz coule en bronze, mais vise l'or ». Mais non, ils n'ont pas fait ça, c'est vous ça. Oh, vous avez vu un burkini? Ce qui, pour parler comme Jean-Marie Le Pen, n'aurait pu être qu'un point de détail de mes vacances en France, a fini par en devenir le principal sujet de discussion, de longues heures à entendre des Claude Moniquet du textile aquatique féminin. Ça se passe lors du 600 mètres de Nafisa Tousiem. Cela m'a donné une idée. À rectifier, c'était le 800 mètres, pas le 600 mètres. Ah pardon. Un peu de... Ouais, 200 mètres, qu'est-ce que c'est ? On apprend aujourd'hui que le prince Laurent a ouvert son compte officiel sur Twitter. Alors comment est-ce que vous auriez pu titrer cette info de grande envergure, Vincent Flibustier ? Honteux, scandaleux, dégueulasse, le prince Laurent a rejoint Twitter, un endroit fréquenté par de nombreux islamistes terroristes radicalistes. Marcel Sell, petit indice, le journal qui a publié ça, c'est celui qui a fait un article sur pourquoi la sœur de Nafisa Tousiem porte le foulard, en fait. Ah ok, d'accord. Vous avez vu passer cet article ? Oui, j'ai vu. Effectivement, et pourquoi ? 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Et comme tous les jours de la semaine, nous nous emparons des faits de l'actualité durant une heure et demie pour les détricoter, pour en refaire une nouvelle version avec des regards bien aiguisés, de la bonne humeur, des cadeaux au menu de ces presque sérieux, un état d'esprit, vous l'avez compris, nous emmenons durant ces 90 minutes avec de belles plumes qui sont avec nous, à commencer par l'homme de l'Atlantide qui aurait rencontré Chewbacca, c'est Manu Di Pietro, bonjour. Bah tiens. Vous allez bien? C'est en roue libre donc. Bah écoutez, c'est dans les 5 fruits et légumes qui sont recommandés par jour, on en est sûr. Il n'en manque pas, lui, de pêche. C'est Eric de Stark, bonjour. Bonjour les amis. Vous allez bien, Eric? La pêche. Il a profité de cet été pour offrir à son humour une nouvelle mise à jour. C'est Gildal. Quelle nouvelle, Walid? Écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Mentir est un talent et il en a à revendre. C'est Vincent Flibustier, bonjour. Bonjour. Il y a autour de cette table un homme qui connaît bien la maison. Il fait des visites guidées aussi, de temps en temps, quand il a un peu de temps. C'est Raoul Reyers. Vous savez que c'est payé, hein? Bah, bien sûr. Évidemment. On arrondit ses fins de mois, monsieur. Vous êtes fou, je suis incapable. Moi, je connais le chemin du mess, oui, et c'est le chemin du studio. C'est le chemin toilette, entre... c'est le chemin le plus important. Il y a des gens qui se perdent pendant 20 ans. Non, et cette émission a été préparée par Ajar Boulesh, notre homme de main, et Vincent Van Der Venet qui réalise cette émission. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rions avec vous. Bienvenue, merci à vous donc d'être presque sérieux. C'est presque sérieux. La première. L'actualité est revue et corrigée. On s'intéressera aux MR, aux mesures d'audience et puis pas un geste. C'est le titre de la chronique d'Éric de Stark. Pas un geste, vous voulez aller plus loin dans le titre? Écoutez, quand je dis pas un geste, c'est parce qu'il va y avoir des mots pour expliquer. Ah, d'accord. C'est bien. Allez, nous en savons coin. Plus. Mais ça, c'est du beau teasing. Ça me donne envie de rester. Ça me donne envie. Ce sera vers 17h15. Donc c'est dangereux, comme dites. S'il y a des gens qui nous écoutent dans les magasins et que vous dites très fort pas un geste. Pas un geste. Ah ben voilà. Ça peut être sympa. Des cadeaux, je vous le disais, 4 entrées pour l'Eurospace Center de Redu. Vous allez pouvoir embarquer à bord du centre spatial de découverte et de loisirs pour un voyage interstellaire au cœur de la province du Luxembourg. On rajoute à cela un abonnement de théâtre pour 8 spectacles au Riche Clair. Eh oui, et on remercie Eric de Stark pour ça. Je dis. Ah oui. Allez, la culture n'a pas de prix. Mais c'est vrai, parce que la culture, ça devient de plus en plus cher. Et on se dit que donner l'accès à la culture. Non, c'est faux. Aussi, le théâtre est nettement moins cher que le cinéma. C'est vrai. Mais bon, oui. Il faut donner accès aux gens, à la culture et notamment au théâtre. Un abonnement donc de théâtre pour 8 spectacles au Riche Clair ainsi que 4 entrées pour l'Eurospace Center de Redu. Nous jouerons ensemble juste après les infos de 16h30 au Qui a dit. Et la phrase du jour, la voici. Qui aurait pu dire « j'ai dit oui » sans trop réfléchir ? Ah, des propositions vous seront faites dans un instant. En attendant, vous vous inscrivez en envoyant ces fameuses trois lettres CPS pour C'est presque sérieux au 6031 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et Ajar, notre assistante de Choc et le Charme, ce sera un plaisir de vous rappeler et vous passerez un bon moment presque sérieux avec nous. En attendant, voici la une du jour. C'est la une. Deux infos mis en lumière et en musique. Attention, c'est parti. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, ruse tes cordes vocales. Tes petites pilules, quand on se trouve un peu nul. Alors, deux extraits pour parler de l'actualité. D'un côté, on avait Trio avec l'hymne de nos campagnes. Et Été 67 avec les pilules, on démarre avec Trio. Alors. Tout est sous le burkini. Tout. Non, nos campagnes, non. L'hymne de nos campagnes. C'est la prolongation des aides aux agriculteurs en Wallonie. C'est bien joué. On en a parlé dans le journal. Et vous êtes à côté le journal. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il retient, qu'il pense que toutes les informations sont dans le journal. Dans c'est le pas journal. Ça le jeu. Non. L'hymne de nos campagnes. Autre style de campagne, mais pas celle-là. Campagne électorale. Sarkozy. Effectivement. Alors, Sarkozy qui se présente donc. Quelle surprise! Avec toutes les casseroles que Sarkozy traîne, à un moment donné, on dit bon. Pourquoi pas qu'il se marie tous les jours. Pourquoi pas? Tout ce qui lui reste, l'immunité. Il tente en tout cas de surfer sur l'actualité marquée par la menace terroriste dans un livre, Tout pour la France, apparaître demain, où il officialise donc sa candidature. Donc le gars, il a payé quelqu'un donc pour lui écrire un bouquin, parce que bon, on sait très bien qu'il n'a pas eu le temps de l'écrire, où il dit je vais me présenter. Ça tient sur un post-it. A priori, le bouquin précédent, il l'avait écrit. Hein, parce que des chercheurs avaient essayé de trouver, regarder par rapport à ses écrits précédents, et ça serait lui qui l'aurait écrit. Ouais. Mais il a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps. Oui, bah oui, ben. Un deuxième. Il a que ça à foutre. Vous savez que cette chanson, ici, en fait, c'est l'original, c'est les compagnons de la chanson qui l'ont chantée. C'est vrai? Oui. Et l'enchanteur, c'était qui encore? C'était. J'ai oublié. Un puits de science, notre Raoul. Fernandel. Non, Mella. Fred Mella. Voilà. Ça fait toujours marrer, tiens. Sarkozy, que les diplomates américains présentent comme un être à la fois brillant, charmant, mais aussi peu diplomatique, impatient, irritable, autoritaire et imprévisible. Ah bah voilà. Ça fait beaucoup. Ça donne envie pour cette campagne présidentielle en France. Bah ouais, un chef. Deuxième extrait, deuxième morceau, deuxième actualité, avec Été 67, les pilules, de quoi s'agit-il? Les lendemain, c'est mort. Enfants non. Qui sont ils sont fragilisés par l'abus de médicaments. Effectivement, les bébés prennent trop de médicaments. Un nourrisson sur deux prend des antibiotiques au moins une fois dans l'année, selon une étude des Mutualités Libres. Une surconsommation généralisée. Un enfant sur trois en Belgique a pris au moins une fois dans l'année une boîte d'antibiotiques. Boîte entière, d'un coup. Pas bon pour la santé, attention. Ça fait beaucoup de dégâts, forcément, puisqu'on est moins immunisé. Mais ils n'en peuvent rien, les gamins. Ce sont les médecins qui doivent prescrire ça. Donc voilà. Dites Walid, j'ai vérifié, les compagnons de la chanson ont chanté Les anges dans nos campagnes, donc c'est pas la chanson de Trio qu'on a entendu avant. Je crois que Raoul a juste fait ça pour dire Fred Mella, parce qu'il aime bien dire Fred Mella. Tout est écrit. Le produit utilisé dans la Mom Rora. Oui, la Momrora. La Momrora. C'est un dérivé. C'est la Momrora. C'est chanson d'Edith Piaf. La Mom. Est utilisé comme médicament. Il s'agit de la warfarine. Ça. Ah, vous savez. La warfarine. Un anticoagulant qu'on utilise. Donc, si vous prenez de la Momrora, à un moment donné, vous pouvez dire que c'est un médicament. Mais anticoagulant. Ça anticoagule beaucoup. Et certains médicaments sont utilisés également pour autre chose que ce pour quoi ils sont. En tout cas, ils ont été conçus. Il arrive par exemple que des médicaments soient finalement recherchés pour l'un de leurs effets secondaires, plus que leur effet premier, n'est-ce pas, Manu Dipietro? Tout à fait. Vous en connaissez quelques-uns? Il y a le baclofène. Le minoxidine, par exemple. Le baclofène. C'est un régulateur cardiaque et il sert à se sevrer de l'alcool. C'est un peu comme le minoxidil. À la base, c'est pour contrôler l'hypertension artérielle. Et là, on découvre qu'il y a des propriétés bénéfiques pour la pousse de cheveux, le minoxidil. C'est bien ça. Tu meurs, mais t'as des cheveux. Ça marche pas chez tout le monde, clairement. Non, mais mourir chauve, c'est vrai que c'est chiant. C'est clair. Bon, en attendant, je vous invite invite à vous inscrire. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes peut-être en train de sortir du travail ou au travail ou simplement à la maison en train de profiter du beau temps à Onanus. On m'annonce. Onanus. Je crois qu'on a quelque chose pour demain déjà. C'est Fred Mella qui restait dans ma tête. La tête dans la lune. On annonce effectivement belle météo cette fin de semaine. Belle transition. Canicule. Effectivement. Canicule, ça arrive avec Anus. Et donc, vous êtes peut-être dans votre jardin en train de nous écouter. Vous si vous dites, en avez. Hein. Pourquoi ne pas aller au théâtre et profiter de cet abonnement de théâtre pour 8 spectacles que nous vous offrons au Riche Clair ainsi que 4 entrées pour l'Eurospace Center de Rodu. C'est le moment ou jamais d'envoyer ces 3 lettres par SMS au 6031. Vous envoyez CPS pour C'est Presque Sérieux. 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Et nous jouons ensemble au Qui a dit. Nouveau feront des propositions, en tout cas ce sont nos chroniqueurs du jour qui vous en feront. J'ai dit oui sans trop réfléchir. Alors là, qui aurait pu dire ça? J'ai dit oui sans trop réfléchir. Et nous, on va pas réfléchir, on va le laisser justement nous proposer sa chronique du jour. Manu Di Pietro, on s'intéresse au MR dans la suite, n'est-ce pas? Oui, et la libération de la parole. Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Oui, je suis communiste et un marxiste en plus, et je t'emmerde gros. C'est Presque Sérieux sur la première. Avec Walid. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez nagé en mer? La crainte que vous aviez de boire la tasse, pleine de pipi de touristes. Et ces sacs en plastique, qui vous frôlaient la jambe, et vous faisaient paniquer à l'idée que ce soit une méduse ou un requin. Et puis vous êtes dit, je suis un homme. Vous avez remonté vos brassards, et vous avez commencé à profiter de ce moment de plénitude. Vous aviez conquis les eaux de la mer du Nord avec l'urine des touristes en prime. Vous aimeriez à nouveau ressentir la satisfaction de vous jeter à l'eau? Alors investissez chez Bink, parce que chez Bink, c'est vous qui décidez seul de ce que vous faites de votre argent. Bink, parce que c'est votre argent. La première. Mobile Info. 16h16, un point sur vos conditions de circulation avec le seul et unique Pierre Collard-Bovy. Oui, deux pour le prix d'un, comme on dit souvent. Pas trop chaud, Pierre, dans votre bocal. Non, ça va, on a l'airco quand même, c'est confortable. Vous avez de la chance. Que se passe-t-il sur nos routes, Pierre? Eh bien, bon, c'est relativement calme. Hein, le ring de Bruxelles est légèrement peuplé. 17 minutes supplémentaires pour l'extérieur, ça va être Grand Bigard. 12 minutes pour la circulation extérieure, Grand Bigard au titre. 12 minutes aussi en plus pour l'intérieur, ça va être Carrefour-Léonard. Et on redescend déjà à plus 7 minutes pour l'intérieur. Au titre Grand Bigard. Un objet encombrant une grosse planche pourrait vous gêner sur le 42, Monceliège entre Courcelles et Timéon sur la bande de droite en direction de Liège. Et puis c'est terminé pour l'accident sur le 313 de Liège-Anvers à hauteur des Rentals Ouest, mais il y avait tellement de ralentissements que les fuites doivent encore se résorber. Vous perdez encore 40 à 45 minutes en direction d'Anvers. Quant au poste frontière, eh bien, vous ralentissez sur le 40 Yabé-Calais entre Bredune et Guivelde vers la France. Vous perdez 15 minutes et sur le 17 Anvers-Lille, circulation dense sur 5 km. Elle aussi, vous perdez une quinzaine de minutes en direction de la France. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est Presque Sérieux. Moment de détente, de légèreté, d'impertinence au menu de 7h30. L'actualité revue et corrigée par nos chroniqueurs. C'est le moment pour Manu Di Pietro de faire sa rentrée à lui. Le mouvement réformateur n'a plus peur. Non, le mouvement réformateur se lâche, sa langue se délie et il ose dire les choses comme elles sont. N'est-ce pas, Manu? Mais oui, il ne vous aura certainement pas échappé, public chéri, collègue aguerri et chef ami, que dernièrement le mouvement réformateur sort les griffes. Alors je ne sais pas si ce sont les effets du Roundup qui commencent à se faire sentir ou bien s'ils ramènent des bouteilles de rosé d'Anjou au boulot en cette fin d'été parce qu'ils s'emmerdent, mais ils sont bien remontés. Par exemple, Christine Defraigne, qui ne semble pourtant pas être tombée dans les escaliers, déclare sans scier qu'il y a un Donald Trump en Belgique. De qui parle-t-elle, se demande alors l'assistance médusée devant tant de hardiesse géopolitique. Aurait-elle trop reniflé son flacon de dissolvant pour vernis à ongles? Parle-t-elle de Michael Modricamen pour la rhétorique raciste-libérale qui lui est chère? Vous vous souvenez sans doute de cette vidéo? Ou pas? Mr. Trump, make America great again. Yes, and my accent too, por favor. Est-ce qu'on peut le réécouter? On peut le réécouter juste pour nous, attention. Mr. Trump, make America great again. On dirait un épisode raté de House of Cards. Une musique très légère. Ouais. Ou alors elle parle de Pascal Vrébos, hein, pour l'animal domestique que l'homme politique américain et le philosophe de comptoir abritent au sommet de leur crâne. C'est possible. Mais non, Christine, cri-cri des mers, comme on l'appelle dans les travées du Sénat, Trump en Belgique, c'est Raoul Edebo. Confondre un vieillard mythomane pris à pic et coquet avec un jeune militant communiste qui se pince le nez à chaque fois qu'il doit mettre un veston, c'est audacieux, l'aurait dit Serge Kubla à la limite. Et l'autre passionnariat du MR, mais version Leonard Cohen, c'est Denis Ducarme, qui a eu une semaine très active dans les médias également. Dans une interview accordée à l'Écho, Denis nous livre tout le fond de sa pensée sur les problèmes actuels et notamment le fameux vivre ensemble. Sur le burkini par exemple, Denis est intraitable, c'est non. Mais alors qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'un positionnement philosophique, on apprend en fait que Denis a d'autres raisons, et je cite l'interview, « c'est tout à fait contraire à la nature que de se baigner habillé ». Je lui dirais bien que c'est aussi tout à fait contraire à la nature que de prendre l'avion, par exemple. T'as déjà vu un poisson habillé ? Mais donc l'avion, c'est aussi antinaturel, mais je ne voudrais pas causer chez lui une hausse de la tension intracérébrale qui pourrait déboucher sur des saignements de nez et autres bégaiements. Ce qu'il faut retenir, c'est que Denis Ducarme, le carcan social du vêtement, il n'en veut plus. Il est libre et il veut le crier à qui veut l'entendre. Libéré, délivré, il n'en a plus rien à foutre. Et d'ailleurs, alors que leur langue se libère, il serait temps de donner du temps d'antenne à ce renouveau de la parole libérale. J'entendais chez nos collègues de Classique 21 une émission entièrement dédiée au reggae, cette horrible musique entièrement destinée à faire l'éloge de la paresse, de l'amitié des peuples et de la consommation d'herbes aux vertus psychotropes. Il est temps d'équilibrer les messages. J'ai déjà le nom de l'émission, ça s'appellerait « Soigne ta droite ». On aurait l'occasion de découvrir des chansons que les médias islamo, bisounourso, gauchisto, écolo-communistes n'osent honteusement pas mettre sur nos ondes. Comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Les Brigandes. Ça existe vraiment. Oui. Un merveilleux groupe que j'ai découvert récemment. Je ne sais pas si vous connaissez. Je relis mon texte. Évidemment, j'ai déjà posé la question. Oui, on connaît. C'est un effet, moi. C'est être redondant. De droite, là. Et faites semblant. Voilà, ce sont des jeunes filles françaises, mais alors très françaises, qui se sont lancées dans l'aventure musicale. Elles font principalement du rock, hein, une musique inventée dans le 5e arrondissement de Paris, comme tout le monde le sait. Et elles ont, disons, certaines idées bien arrêtées sur la société actuelle. Les parents d'élèves se sont mis en colère. Ils ont menacé le ministère. Nos enfants méritent du bon cannabis. On va pas leur faire fumer des fleurs de lys. Oh non, non, la chiche n'est pas bon. Voilà, j'arrête là, c'est immonde. Une voix de crécelle, des paroles de haut vol, une instrumentation digne des délires éthyliques de Patrick Sébastien. Il y a tout. Là, on écoutait Cannabisation nationale. Alors, les autres titres sont du même tonneau de Calvados. Hein. Jeanne, j'ai trouvé une épée. Les 68 tards, un grand classique. Ouais. Et enfin, Seigneur, je ne veux pas devenir Charlie. Voilà, enfin, du bon son à se mettre dans les oreilles à défaut d'autre chose. Merci Manu Di Pietro. La pire chanson et la plus dérangeante, elle s'appelle Ce geste. Et oui, en mais fait, je... ils font un salut nazi pendant toute la chanson en essayant de le réhabiliter parce que Jules César le faisait déjà, et donc pourquoi est-ce que c'est si mal après tout de faire un salut nazi. Donc elle s'appelle comment? Les Brigandes. Les voilà, Brigandes. Elles portent bien leur nom. Voilà, oui, elles ont l'air de toutes être issues de la même mère, mais pas du même père. Et du frère. Bon, à 16h22, on revient dans un instant avec Raoul Reyers qui nous parlera de son actualité, en tout cas celle qu'il a retenue pour nous aujourd'hui. Le temps pour nous d'écouter bien Billy Stewart avec Summertime tout de suite sur la première. You know, my darling, I said it right now, and the cotton is high. Like a, your daddy is a rich, kind of rich girl, and your mommy's good looking, yeah. I said, hush, little baby, don't you cry. One of these mountains, girl, you're gonna rise up singing. pretty baby. On dirait Enrico Macias. Il fait une petite vocalise. Non, mais ça fait du bien. Plongé dans les 60s, 1968, c'était Billy Stewart, extrait de l'album Unbelievable, Summertime sur la première. Hey, Raoul, ça fait du bien. Le tour de la presse nationale et internationale avec Raoul Reyer, c'est quelques petits insolites pour comme nous. Comme le fromage, un peu de tout. Faites plaisir. Donc, les Allemands vont devoir stocker des vivres et de l'eau. Ah, en Allemagne, on ne rigole pas, on est obligé de stocker des vivres. Ils n'ont jamais arrêté. Oh, ils sont entraînés. Et si moi j'ai envie de crever tout de suite? Je ne sais pas. Nous avons les moyens de vous faire manger. Mais attends, stocker la nourriture allemande, ça ne veut pas dire pour ça qu'on va survivre. Et moi je suis SDF et je n'ai qu'un petit carton saucisses. Pour mettre mes vivres. Hein, bon, vous savez, de toute façon, si vous êtes à l'extérieur... Donc, chaque foyer devra stocker suffisamment pour tenir 5 jours. C'est pas une manière de rebooster un peu le commerce, ça. C'est pas une manière de dire aux gens, allez, faites tes magasins parce que c'est le lobby de la choucroute. Oui, c'est ça, c'est le lobby de la choucroute. Conspirationniste. Mais je sais pas. L'allemand n'est pas si fin. L'allemand n'est pas drôle. Hein. Il y a toute une étude qui le prouve. Parce que l'étude est récente. Et donc, espérons alors que, par malchance, une guerre des 6 jours n'éclate pas. C'est vrai. Vous imaginez le truc. Et surtout pour l'imam de Dizon, ça... qui habite juste de l'autre côté de la frontière. C'est pas bon pour lui. Lui s'en sortira peut-être, mais sa barbe, ouf. Vous faites des liens. Heureusement, les guerres de 6 jours ne sont pas très fréquentes. Vous m'étonnez. Hein? Autre actualité, autre info. Ils sont fous, ces Allemands. Hein? La preuve, dans un hôtel de Berlin, vous pouvez dormir dans une VOE coccinelle. Oui. Repeinte en mauve, couleur yaourt aux myrtilles, abandonné hors du frigo pendant un mois. Sauf que la VOE... C'est dans le titre, ça veut dire. Sauf que la VOE... tout retenu par cœur. Sauf que la VOE, elle n'avance pas toute seule. Ouais. Et donc, allemand, c'est bien, mais parfois il vaut mieux être allemand qu'anglais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un anglais qui jouait de la cornemuse tous les jours pendant des années, sans la nettoyer, il est mort... Parce qu'il avait inhalé des champignons qui avaient poussé dans son instrument. Vous imaginez. Maintenant, hein. Raoul invente les titres. Il a toussé, il a toussé très fort. Oui. Et puis il s'est éteint une fois, il s'est dégonflé. Oui. Comme sa cornemuse. Allez, une dernière pour la route. Dans le genre Destroy, en Belgique, le PTB invite la fille de Che Guevara à Bredeneux pour sa manifesta familiale. Chaque année, hein. Oui. Eh bien, moi, je préférais encore la voir en burkini qu'à Bredeneux. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Non. Ah bah, je vous la conseille. Merci Raoul pour ce je moment. Je vous en prie. Et ce petit tour du monde de l'actualité complètement insolite. Raoul Reyers et toute l'équipe que nous retrouvons dans quelques minutes. On s'informe à 16h30 et nous jouerons également avec l'un ou l'une d'entre vous tiré au sort. N'hésitez pas, dernière ligne droite pour vous et pour vous permettre de repartir notamment avec 4 entrées pour l'Euro Space Center de Redut ainsi qu'un abonnement de théâtre pour 8 spectacles au Richclair. Nous jouons ensemble au qui a dit, le qui a dit du jour. Le voici, j'ai dit 8 sans trop réfléchir. Qui aurait pu le dire? Eh bien, réponse dans un instant. Ça se passe sur la première. 19h30, 20h. Faites le plein de nouveautés avec une playlist colorée. Sélectionnée par le programmateur musical de la première. Votre rendez-vous pop, rock, électro et chanson française. 19h30, 20h, c'est Zigzag sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Vous n'avez pas toujours le temps d'écouter nos émissions en direct. Vous avez raté une émission et vous souhaitez y revenir. Sur rtbf.be/ovio, retrouvez toute l'offre de programmes de La Première à la demande. Actu, culture, débats de société, interviews, rencontres, analyses, humour. Tous nos contenus sont accessibles partout, tout le temps sur RTBF Ovio. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Ouais, il a trop une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un Samsung Galaxy J5 à seulement 9€ avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. La première présente l'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir. Vous pouvez choisir une voiture de société ? Félicitations ! Vous voulez bien sûr en profiter au maximum, ou plutôt y ajouter un maximum. Chez Opel, vous profitez de plus de voitures de société. Découvrez maintenant les packs Business et Business Premium chez votre concessionnaire Opel ou sur opel.be. Dans votre budget, au-delà de vos attentes, offre réservée aux professionnels. La première. 16h30. Et pour vous informer, Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Ce soir dans l'actualité, la chaleur tout d'abord. Cela ne vous aura pas échappé, sauf si vous êtes dans votre bureau avec l'air conditionné. Il fait chaud, très chaud, jusqu'à 30 degrés et plus ces prochains jours. La cellule interrégionale de l'environnement active dès demain le niveau 2 du plan ozone et forte chaleur. Cela suppose des avertissements envoyés aux pouvoirs publics et professionnels de la santé. On détaille cela avec vous dans le journal de 17h. Nous parlerons également de la radicalisation des jeunes et de ce qui existe chez nous pour y faire face dans les IPPJ, les institutions publiques de protection de la jeunesse. Le fils de l'imam de 10 ans a été placé hier en IPPJ. C'est cet adolescent qui apparaissait dans une vidéo où il chantait un appel au meurtre des chrétiens. Les IPPJ ont-elles les moyens nécessaires pour accueillir ce type de profil ? On en parlera dans Soir Première à 17h30. Et enfin, à 17h45, dans CQFD, direction la République démocratique du Congo, où l'opposition a appelé la population à observer aujourd'hui une journée ville morte. Elle appelait les gens à rester chez eux. Une façon de protester contre le président Kabila, que l'opposition soupçonne de vouloir s'accrocher au pouvoir alors que l'élection présidentielle doit avoir lieu en novembre. Arnaud Reussen recevra à ce sujet Lambert Mende, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Ce sera donc à 17h45. Mais avant cela, c'est Presque Sérieux continue avec vous Walid. Merci Marie. Retour dans l'information dans presque 29 minutes maintenant à 17h. C'est Presque Sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Dans un instant, on revisitera l'information. On l'a entendu différemment pour vous. On vous découvrira ça dans un instant. Le temps pour nous d'accueillir Agnès de Bruxelles. Bonjour Agnès. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, bonjour. Oui, très bien. Très alors, bien, merci. Agnès, vous êtes retraitée. Vous faisiez quoi exactement avant ? Ah, j'ai fait beaucoup de choses, mais la dernière chose que j'ai faite, c'est de travailler avec mon compagnon architecte. Ah, voilà, d'accord. Donc, passionnant, les bâtiments. Teniez la latte. Oui, c'est-à-dire que je faisais tout ce qui n'était pas architecture, en c'est-à-dire fait. La paperasse, quoi, en gros. C'est ça. Oui, les appels d'offres, les sites internet, enfin, voilà. Parfait. Alors, ma chère Agnès, nous allons vous offrir des cadeaux. 4 entrées pour l'Eurospace Center de Redu, ainsi qu'un abonnement de théâtre pour 8 spectacles au Riche Clair. Petite formalité pour vous, Agnès. Tentez de découvrir qui, parmi nos chroniqueurs, a la bonne réponse du qui a dit du jour. Qui aurait pu dire ? Écoutez bien, ma chère Agnès. J'ai dit oui sans trop réfléchir. J'ai dit oui sans trop réfléchir. Éric de Starck. Eh bien, on aurait pu penser que c'était les mariages forcés au Cambodge par les Khmers Rouges. Beaucoup de gens ont dit oui sans réfléchir. Mais non, il s'agit en fait de Nafissa Toutiam qui a accepté d'être l'effigie du prochain billet de 5 euros. Nafissa Toutiam, elle a dit oui sans réfléchir. Elle a dit oui sans réfléchir. Une bonne chose. Raoul Reyers. Eh bien, pas du tout. C'est Jacqueline Galland qui, quand on lui a proposé la place de première majorette dans la fanfare de Jurbise, a dit oui sans réfléchir. Enfin, ouais. J'irai voir. Manidi Pietro. Ce n'est pas Marlise Oos-Vlaanderen, ce n'est pas Carole Namur, mais c'est bien Florence Henault qui revient sur la première. Florence Henault, pour vous. Ouais, juste ça. Pas de vanne. Ouais. Bah ouais. Si, Marlise Oos-Vlaanderen, ça vous a pas suffi. Henault, Vlaanderen. Ah, ok. Je suis pas payé pour faire des blagues tout le temps. Gilles Dalle. Eh bien, il s'agit du finaliste moldave du championnat du monde, ni oui ni non, qui a craqué après une finale qui a duré près de 619 heures, à l'issue desquelles il a fini par dire oui. Il s'appelle comment ? Je n'ai pas retrouvé son nom. Il y a beaucoup de consonnes. Un moldave, donc, on va dire ça comme ça. Et puis, Vincent Flibustier ? Eh bien, c'est oui, quand on lui a demandé son prénom. Lors de son voyage à Baden-Baden avec Miu Miu. J'ai dit oui sans trop réfléchir. Alors, Agnès, c'est facile, hein. Nafissa Toutiam, Jacqueline Galland, Florence Henault, un Moldave hein, qui a donc perdu au ni oui ni non, ou oui tout simplement, à votre avis ? À mon avis, Florence Henault. Vous dites Florence Henault. Comment vous avez fait? Effectivement. Je ne comprends pas. C'est Florence Henault. Elle avait pourtant brouillé les pistes. Effectivement, c'est Florence Henault. Écran de fumée, pareil. Qui sera de retour ici sur la première. À la radio, effectivement, dans un samedi d'enfer. Rendez-vous donc ce samedi à 9h15, présenté par l'ami Nicolas Beutarts pour entendre ce qu'elle a à nous dire. Elle a dit oui sans trop réfléchir, c'est ce qu'elle a confié à nos collègues du soir. Une surprise pour celle qui ne quitte pas tout à fait la RTBF, donc, et qu'on aime au passage puisqu'on l'embrasse très fort. Petite parenthèse, elle a fait partie, oui. Alors les deux premières personnes qui ont été contactées, donc ça fait bientôt 3 ans maintenant pour cette émission, il y avait Fred Dubus que j'ai rencontré en premier, et Florence Henault était la personne que j'avais au téléphone au moment où j'avais rendez-vous avec Fred Dubus. Voilà, comme ça vous êtes... Vous avez pris Fred. Non, ben voilà, ouais, j'ai... Il joue aussi Stéphane Powell. En attendant, ma chère Agnès, on vous envoie au théâtre et on vous envoie également à l'Eurospace Center du 4 entrées et un abonnement de théâtre pour 8 spectacles au Riche Clair. Restez presque sérieuse, belle fin d'été à vous, profitez merci du beau beaucoup, temps. Et merci restez, beaucoup, merci à vous. Restez merci. Fidèles à la première. Et justement, l'information revue et corrigée, vous pouvez l'entendre partout, comme il se doit. Hein, sauf à ce moment bien précis. Alors, je mets des pincettes, j'annonce quelque chose, vous allez écouter une minute d'info, mais qui n'est pas vrai du tout. Donc ne vous offusquez pas dans la voiture en disant ah, attention, fausse info. Refaites-la. Attention, fausse info. Imaginez les journalistes, tout ce qu'ils disent passe dans une machine qui remélange les mots et le résultat, eh bien le voici. La première, avec Walid. Donald Trump, kamikaze du groupe terroriste État islamique, avait posté une vidéo sur Internet, vidéo tournée à Braine-l'Alleud, dans le cadre d'un appel à projet bas carbone. Donald Trump, donc, sera présenté aujourd'hui à un juge de la jeunesse. L'imam radical de Dizon va recevoir 6,5 millions d'euros. L'OpenVLD doit encore sortir du bois sur le sujet. Le budget sera l'une des grosses discussions de la rentrée. Angela Merkel a percuté un arbre dans les rues de Verviers. La vidéo de son sauvetage est vite devenue virale sur Internet. Jean-Claude Marcourt pourra encore ajouter une ligne à son énorme palmarès. Il sera le grand favori du 200 mètres. Son rival de toujours, l'Américain Joseph Kabila, ne sera pas là. Il a été éliminé en demi-finale. La première, avec Walid. Alors voilà. Hein, vous êtes sûr que c'est faux? J'aime bien. Alors ça passe dans une machine, il y a des mots, et alors après on refait des nouvelles phrases. Les gens sont tellement crédules qu'il faut mettre la musique. Non mais on est obligé, parce qu'il suffit que vous tombiez dessus ou croyez que c'est vrai. Ouais, c'est, la première est une radio sérieuse. Sauf genre, c'est pour rire. C'est pour rire qu'il y a l'état vers rire. Je crois que les auditeurs sont intelligents. Non mais voilà, mais donc je tenais quand même à le rappeler. Et ce sera une séquence qu'on retrouvera presque tous les jours. En tout cas, j'espère. Ça va faire un doublon avec Vincent Flibustier. C'est l'excuse qu'on prend moins cher. Qu'on me donnera. En attendant, moins cher que Vincent. On s'intéresse toujours à l'actualité, cette fois-ci avec une chronique de celui qui signe également sa rentrée. C'est Gilles Dalle. Et pour votre rentrée, mon cher Gilles, vous avez décidé, je pense, de nous proposer un nouveau mode de calcul des audiences de notre émission, n'est-ce pas? Absolument. Eh ben, c'est parti. On a trouvé un concept pour faire monter l'audimat en moins d'une minute. En une minute, ça m'étonnerait, les filles. Ah si, si, si. Alors. Enfin, je croyais qu'il y avait des pubs. Je me préparais psychologiquement, je faisais mon petit yoga. Allez. Écoutez, c'est la rentrée, mes chers amis. Et qui dit rentrée, dit... Dit quoi? Nouvel humour. Dit nouveauté. Évidemment, bah oui. Vu qu'il faut de la nouveauté partout, tout le temps. J'ai même vu chez un glacier à la mer la semaine dernière. Anecdote vécue, registre humour authentique. Qu'on proposait une glace vanille nouvelle formule. Pas une glace vanille ringarde genre 2015 ou 2014 avec une vieille vanille quelconque. Non, une glace vanille repensée, de fond en comble, de choses. Et moi je dis, ce truc c'est sans fin. Voulez-vous votre glace vanille nouvelle formule dans un cornet nouvelle formule ou alors dans un petit pot nouvelle formule? Et puis ça va pour tout évidemment, les prévisions météo, nouvelle formule. Avec des anticyclones, nouvelle formule. Les paillassons, nouvelle formule, avec une fibre encore plus rêche qui permet de s'attaquer aux véritables racines des saletés sous les semelles, alors que les anciens paillassons ne s'y attaquaient qu'en toute superficialité. Et puis les cintres, nouvelle formule. Les chaussettes blanches, nouvelle formule. Bref. La nouveauté, pour ce qui concerne mes chroniques, sera d'épouser l'époque, Walid. Puisqu'avant, il n'y avait pas de mesure d'audience, puis qu'après, il y en a eu de plus en plus régulièrement, au début 2 fois par an, puis 1 fois par trimestre, ensuite 1 fois par mois, et maintenant plusieurs fois par jour. Eh bien, j'ai décidé de devancer le progrès en proposant un truc inédit, la mesure d'audience en direct au sein même de ma propre chronique. Hey. Ah oui, pour ce faire, j'ai demandé à Raoul de bien vouloir mesurer les audiences seconde par seconde, pour ensuite pouvoir analyser les fluctuations d'écoute en fonction des thèmes que j'aurai traités, histoire de pouvoir mieux calibrer mes chroniques dans les semaines à venir, pour donc mieux coller aux attentes de nos auditeurs. Bon, bah alors c'est parti pour ma chronique, si ça vous va. Ah, faites-vous plaisir. Bah, écoutez, mon cher Walid, comme c'est la rentrée, je vais vous parler un peu de mes vacances. Pas de mon glacier, parce que ça, je viens de le faire, mais avec une autre anecdote tout aussi truculente et irrésistible. Pendant mes vacances à la mer, je continue sur le mode stand-up. Figurez-vous que je suis allé assister à un feu d'artifice dont on a annoncé au début qu'il était retransmis à la radio. Alors, l'histoire ne dit pas s'il y avait des commentaires ou pas, c'est authentique, hein, mais en tout état de cause, le résultat devait être, allez, disons, que sans commentaires, ça devait donner quelque chose comme boum, pendant une demi-heure, et avec des commentaires, un truc comme « Eh bien oui, c'est une grande verte qui explose à présent dans le ciel, suivie dès à présent par trois petites mauvaises, maintenant un quatuor de feu doré. Stop !» Je m'arrête là parce que je vais demander à Raoul ce qu'il en est niveau audience. Raoul, ses audiences ? Ça va. Pas fameux ou quoi ? Non, ça va. Les gens ont bien aimé l'histoire avec les glaces, là, hein, et puis celle sur le feu d'artifice... Pas encore des chiffres, enfin ils ne sont pas encore tombés, donc attendez. Et, les chiffres tombent à l'instant, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal tout de même. Ah ouais. Oui, donc les gens ont bien aimé. Oui, apparemment. Est-ce qu'on peut un peu affiner l'analyse ? Alors, nos algorithmes d'analyse nous disent que le feu d'artifice est un sujet fédérateur. Tout le monde aime les feux d'artifice, à l'exception de ceux qui ne les aiment pas. Et également, le pic d'audience a eu lieu quand vous parliez de la grande verte qui explosait dans le ciel. Ah, donc je vais plutôt privilégier les chroniques sur la couleur verte, alors. Par exemple. Donc plutôt tout ce qui est haricots, pelouse, pommes, poires, tout ça. Voilà. Bon, écoutez, je retiens à l'avenir des chroniques et des blagues sur les feux d'artifice et sur le vert. Voilà, Walid, dorénavant, je privilégierai l'humour segmenté. Merci, mon cher Gisdal, pour cet humour donc, qui a été remis au goût du jour. Oui. Exceptionnel. Nouvelle formule. Hein. Ah, mais ça donne bien. Ouais, moi, vous m'avez manqué, Gilles. C'est vrai, il n'y a pas d'ironie. Ah, non, mais je vous promets. J'ai pas arrêté de penser à vous tout cet été. Il ne ment pas parce qu'il parle souvent de vous. Ah, ça fait plaisir. Parfois, il lève la tête et il dit Gilles. Bon, dans la suite, on s'intéressera à l'histoire avec Laurent Dehaussay. On s'intéressera à d'autres histoires, celle de Vincent Flibustier qui tentera de nous mener en bateau pour vous emmener jusqu'à 17h, l'heure à laquelle nous nous informerons. Restez presque sérieux, ne changez rien à vos habitudes. Vous êtes sur la première. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti ! Enfin, le tour vient à peine de commencer. Jaline ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise du manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La première et la 3 présente... C'est une des rares occasions où, sans promotion aucune, vous pouvez rencontrer des écrivains, parler, échanger, ne pas être d'accord... Être surpris, découvrir. Autant dire, vivre et prendre le temps de s'asseoir sur le trottoir d'à côté. Les 2, 3 et 4 septembre, intimefestival.be. Avec le soir, BTV, Moustique et Canal C. La première et Ouf TV présente... Kidzik. Le festival de musique des enfants est de retour à Louvain-la-Neuve. Avec Adine Plume et son orchestre, le best-of de Mamemo, Clumberland, Dan Pirlet, Michael et moi et plein d'autres concerts et animations. Kidzik, c'est à Louvain-la-Neuve du 27 au 29 août. Infos et réservations kidzik.be. Avec la province du Brabant-Wallon, l'avenir et sa BAM for Culture. Super Kidzik. La première. Mobile Info. À 16h43, on retrouve Pierre Collard-Bovy. Pierre, que se passe-t-il sur nos routes ? Bien, quelques ralentissements dans les tunnels de la capitale, du tunnel Roggio au tunnel Léopold II en direction de la Basilique et du tunnel Botanique au tunnel Arlois en direction du Midi. Un véhicule est en panne dans l'échangeur de Woluwe-Saint-Étienne. La bande droite est neutralisée. Il y a des fils dans la bretelle reliant le 40 venant de Liège au ring de Bruxelles en direction de Grand Bigard. Alors, concernant le ring de Bruxelles, précisément, plus 17 minutes de temps parcours supplémentaire, donc pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 15 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 13 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, et pour les autres tronçons, on descend en dessous de la barre des 10 minutes. Un camion est en panne sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur du Reux. La bande droite est neutralisée, la circulation est quasi à l'arrêt, nous dit-on. Vous perdez une grosse dizaine de minutes en direction de Mons, mais le dépannage est en cours, donc ce sera assez vite terminé, on l'espère en tout cas. Un objet encombrant, c'est une planche, toujours sur le 42 Mons-Liège, entre Courbevoie Courcelles et Timéon. La bande de droite est encombrée en direction de Liège. Et puis un accident sur le 314 de Louvain à Maasmechelen à hauteur de Zolder. La bande de droite est neutralisée. Il y a des files en direction de Maasmechelen. Et puis on signale également à l'instant même des travaux sur le ring 3 de Charleroi. La circulation est fortement ralentie sur le viaduc de Couillet. Vous perdez là aussi une dizaine de minutes en direction de Gouy. Notez encore ces ralentissements à la frontière française. Sur le 40, il y a Baie-Calais entre Adinkerque et Givelle. Vous êtes ralenti, vous perdez 20 minutes. Et sur le 17, en verse Lille, vous perdez une dizaine de minutes pour vous rendre en France. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça? Hey Houston, on a un problème. Je vais vous faire une petite confidence. Ah, j'ai dit oui pour une troisième saison rien que pour ce jingle. Moi aussi. Ah, ce jingle, ce jingle est rentré dans celui l'histoire. Celui qui vous rapporte le plus. Bah écoutez, c'est celui qui était fait le plus vite en fait. Oui, il était déjà fait. Hein. Bah voilà, on gagne du temps. L'histoire qui s'invite sur la première, vous le savez, tous les jours entre 13h30 et 14h30. Au sommaire, eh bien, rendez-vous demain avec Laurent Dehaussé pour connaître justement ce qu'il en retournera. En attendant, Laurent Dehaussé s'invite dans C'est presque sérieux avec aujourd'hui une énigme. Laurent Dehaussé qui endosse le costume du père Fouras. Écoutez. Mante, Porsche et George Clooney sont des indices. Qui suis-je ? Raoul Reyers. Non. Mante, Porsche. Voilà, pas très mante. Un lien avec le 22 août, à votre et avis. Et James Dean qui s'est crashé en Porsche. Non. On n'est pas le 23 ? Mante, le 23, Porsche, pardon, George Clooney. La mante, c'est la feuille. Oui, oui, oui. On peut réécouter encore une fois. Bah, répétez la question. On est presque. Porsche, Mante et George Clooney sont des indices. Est-ce qu'il s'agirait de quelqu'un qui a bu un café Nespresso à la menthe sous c'est une invention ou c'est absolument un événement pas. Non, c'est pas une invention. C'est un événement. Oh, je pense que le plus facile là-dedans, c'est encore la Porsche. Oui, je pense aussi, oui. La Porsche. Porsche. Oui. L'automobile. Mais il y en a plusieurs, des Porsche. Il y a une Porsche qui Carrera. Peut faire Cayenne. Alors, Cayenne, oui. De poivre de Cayenne dans le café avec de la menthe. Alors, c'est quoi le lien entre Porsche, menthe, George Clooney? C'est quoi l'indice? Enfin, c'est quoi le lien qui est entre tout? C'est le café. Poivre. Grand Hollywood point d'interrogation. Le poivre. Ah oui, parce qu'il est cheveux poivrés. Poivre et sel. D'accord. Ah oui. La casse de cette image. Et le 22 août, on a inventé le poivre. Non, 23. Non, pas, on n'a pas inventé. Pierre Poivre. Pierre Poivre qui voyage en Chine des 21 ans en tant que missionnaire. Et lors d'un voyage, il découvre Batavia, donc Jakarta aujourd'hui, les richesses que constituent donc les épices comme les clous de girofle ou les noix de muscade. C'est ce qu'il ramène dans ses bagages. Et figurez-vous qu'il n'a pas découvert le poivre, mais on a donné le nom de Monsieur Poivre, donc Pierre Poivre, au poivre, alors qu'il ne l'a pas tout à fait trouvé. Vous imaginez, en fait, les clous de girofle devraient s'appeler poivre, si on suit une logique du poivre. Voilà. Et la noix de muscade aussi. Poivre. Pourquoi le poivre et pas les autres? Ça s'appellerait du Reyers. Comme ça, voilà. il a. Voilà. C'est exhaustif cette séquence. Une épice très populaire aujourd'hui qui porte son nom. Donc voilà, je voulais rendre hommage à Pierre Poivre, dont c'est la naissance aujourd'hui, hein, 23 août 1719, du côté de Lyon. Et c'est à lui donc que nous devons, en tout cas, la découverte de quelques fameuses épices. Et justement, histoire d'épicer votre fin d'après-midi, un morceau, et quel morceau? Calypso Rose, avant d'aller vers d'autres histoires signées Vincent Flibustier. Voici Calypso Queen. Respecting me long, long reign. They making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. Off my head. to call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso, Rose Queen of Calypso. Un goût de vacances et de soleil avec Calypso Queen sur la première. Bonjour, Monsieur Vincent. Et on va continuer à voyager, voyager dans l'esprit fertile de Vincent Flibustier. Et Dieu sait qu'on aime ça, le voyage, Vincent. Mentez-nous, mais mentez bien surtout. Deux histoires, l'une d'entre elles est vraie, à vous qui nous écoutez et à nos chroniqueurs autour de la table, de dénicher le vrai du faux dans les histoires que vous nous proposez aujourd'hui. Ben oui, et vous savez, Internet a 25 ans aujourd'hui, et donc deux histoires spéciales Internet. Nous sommes en 1999, le mur de Berlin est tombé depuis 10 ans, la boule de Berlin se vend toujours bien, et la boule de Fort Boyard est toujours en vie, mais ça n'a aucun sens. Vincent. Oui, c'est vrai, Vincent, raconte l'histoire. Ok, Vinchou, mais pourquoi tu m'appelles Vinchou, Vincent? Bon, allez, je raconte l'histoire, c'est parti. Nous sommes en 1999 et Hotmail est la première. J'ai décidé de jouer le nouvel humour de la jeune. On préférait l'ancien. Et ça, en dansant. Oui. C'était une mauvaise idée, Vincent. Ah, bah. Le sketch de la valise. Ouais. C'est terminé cette histoire. Et donc, un peu frais. Et donc, vous commencez votre histoire? J'aime bien, oui. Nous sommes en 1999 et Hotmail est le premier fournisseur de compte email. Qui avait un compte email Hotmail en 99? Ah, moi, monsieur. Sûrement. Hein. Eh bien, sachez que cette année-là, des hackers ont découvert la faille informatique la plus stupide de l'histoire, puisqu'on pouvait se connecter à tous les comptes Hotmail, donc c'est-à-dire les vôtres aussi, 50 millions de comptes, en tapant le mot de passe « donc « E ». H-E-E-H, qui sont les initiales de Edward Hitler, un cousin d'Adolphe qui n'a jamais existé, mais ça n'a rien à voir non plus. En tout cas, en 1999, Hotmail, donc Microsoft, a bien été ridiculisé, puisqu'on pouvait se connecter à tous les comptes du monde en tapant H-E-H. H-E-H. E-H. Juste E-H. Décidez-vous. On ne va jamais y arriver. J'aimerais bien essayer. C'est vous qui me perturbez, ça ne va pas. E-H, d'accord. E-H. Cette histoire de compte Hotmail piraté. Une seconde histoire. Reprenez vos esprits, Vincent. Êtes-vous déjà allé sur perdu.com? Bah... Eh bien, allez-y, Raoul, foncez. Perdu.com. Sur l'Internet. Perdu.com. Eh bien... Perdu.com, c'est une petite curiosité du net puisqu'il s'agit d'un des premiers sites du web français et le site n'a pas été modifié depuis 1995. Sur le site, on peut lire « Perdu sur Internet ?» Point d'interrogation. Oui. Pas de panique, on va vous aider. On voit alors une flèche, un petit point, vous êtes ici. À la base du site, donc ça ne sert à rien, c'est rigolo, mais voilà, il y a François Dumonier, un webmaster âgé de 15 ans à l'époque, qui crée son premier site Internet. Vu que ça fait rire les gens, il prolonge l'hébergement de perdu.com et le nom de domaine pour 3 ans. Ensuite, en 98, il se dit, bon allez, allons plus loin, il paye 20 ans de nom de domaine, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve encore perdu.com sur Internet avec toujours la même inscription. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 2007, il est contacté par la société de GPS TomTom, qui veut lui racheter le précieux nom de domaine, et lui propose 55 000 euros pour perdu.com. François accepte, mais ne retrouve pas les codes d'accès du site. Ça fait 11 ans qu'il n'y a pas touché. Il les a perdus. Et vu qu'il l'a pris sous le nom de sa mère à l'époque, avec la carte de crédit de sa mère décédée depuis, il ne peut pas récupérer le nom de domaine. Et c'est ainsi que le créateur de perdu.com a perdu 55 000 euros. Et en 2018, le nom de domaine est libéré, donc ça vaut le coup d'essayer. Ah bah dis donc, bon on va peut-être pas perdre de temps pour découvrir l'histoire vraie du jour. Petit roulement de tambour, mais avant cela, petit tour de table pour voir un petit peu ce que vous en pensez. L'histoire de Microsoft et des mails piratés, H ou perdu.com, Raoul? Ben moi je vais prendre les mails piratés parce que la page existe bien, perdue sur Internet, je l'ai devant les yeux. Mais tout ce qu'il a raconté après n'est peut-être pas vrai. Ah d'accord, on va demander à Eric de Stark. Je pense le premier. Première ou deuxième histoire? La deuxième est très fournie, hein, on peut le dire. Il a beaucoup d'informations, mais qui pourrait noyer l'information. Donc je crois que je vais aller vers Hotmail. Hotmail aussi. Gilles Dall. Moi, je dis c'est la 2, parce qu'en général, Vincent rajoute de faux détails dans une histoire vraie. Ah, d'accord, la 2. Et enfin, Manu Di Pietro, première ou seconde histoire. Moi, je salue l'effort du nouvel humour de Vincent. Je merci prends la première, chose, juste pour le, il se parle pour ce grand moment de schizophrénie. Et de solitude. Voilà. Donc, la première. Solitude schizophrénique, ce qui est un petit peu contradictoire. Bah, mais vous savez, Einstein disait, lorsque quelqu'un se sent seul, les gens qui l'écoutent se sentent plus accompagnés. C'est beau ce que vous avez dit. Eh ben c'est un peu frais, mais... Laissez-moi 4 heures et je vous en fais une disserte, il n'y a pas de problème. En attendant, à 16h55, roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour des comptes Hotmail piratés ou perdu.com. Vincent Flibustier. Eh bien, perdu.com existe bien, mais on n'a jamais proposé 55 000 euros à son créateur et il n'a pas perdu l'accès au nom de domaine. Par contre, oui, Hotmail a bien, en tout cas, l'espace de quelques semaines, mois, jours, on n'en sait rien, mais en tout cas, pendant un instant, quelques temps, on pouvait se connecter à tous les comptes Hotmail du monde en tapant EH dans le champ du password. Même si vous aviez un autre mot de passe. Ah oui, c'est ça en fait, le mot de passe, c'était un petit peu le backdoor. C'était un backdoor, comme dans une clé, là, un passe-partout. C'est un passe-partout, en fait. Quoi, oui. Et a priori, ça devait être des ingénieurs de chez Microsoft qui ont mis ça en backdoor pour tester un truc pendant 2 heures et puis qui ont oublié de refermer la porte. La case. Et malheureusement, des gens ont trouvé, se sont un petit peu amusés pendant quelques heures avant qu'ils reviennent dessus. Quoi. C'est ça les histoires des mails d'Hillary Clinton. Alors. On a gagné. Ah, ça peut. Ouais, ça peut être ça, effectivement. Merci Vincent Flibustier. J'arrête de me parler. Vous le faites bien. Vous le faites bien en dehors du bureau, donc continuez à le faire. Hein. On vous saluerait votre ami de ma part. Ok, salut Vincho. Vincent Flibustier, de retour demain avec d'autres histoires et des histoires. Il en sera question également dans la suite, puisque nous allons mettre en avant des anonymes, des personnalités, des hommes, des femmes, dont on parle rarement, en tout cas que nous avons décidé de mettre en lumière. Si c'est votre cas, vous connaissez des gens dans votre entourage qui font quelque chose d'exceptionnel et dont on parle peut-être ou pas dans la presse, et bien faites-le nous savoir, on les mettra en lumière. Notre presque star du jour arrive dans un instant et nous aurons également un titre que nous allons revisiter. Le titre du jour, c'est autour de ce régime fiscal, en tout cas de la fiscalité, du budget. L'équilibre budgétaire. Ah, ça va être chaud, ça. Ah, petit bonhomme. Alors, vous allez refaire tout ça dans un instant. Et oui. Le temps pour nous, eh bien, de nous informer. Ce sera à 17h. Et là, je me rends compte que j'ai une minute à combler. Mais nous sommes là. Allez, c'est vous voulez que je vous fasse un dialogue entre moi-même. J'ai ici une photo envoyée par Guillermo Guise, notre ami. Ouais. Puisqu'il devient célèbre, c'est notre ami. Ouais. Et où on voit une vieille, très vieille Opel Kadett qui doit dater des débuts des années 80 avec une plaque à 2000 euros. Mm-hmm. Et la plaque, ça n'a aucun intérêt, c'est AVP. Mm-hmm. Mais alors, l'idée de mettre une plaque à 2000 euros sur une très vieille voiture, alors qu'elle pourrait être immatriculée ancêtre à 31 euros de taxes par an, eh bien, je trouve ça génial. C'est la vraie richesse. La plaque vaut plus cher que la voiture. Voilà. Hein, en gros, c'est ça. Ouais. Bah, écoutez, merci d'avoir comblé cette Raoul, Raoul est un professionnel depuis écoutez, 30 ans. Mais j'adore. Moi, je crois que c'est une vraie histoire de Philippe. j'ai envie d'y être. On s'informe à 17h. Ne changez rien. Philippe nous et Vinchou, presque les deux nouveaux animateurs. Avec Manu Di Pietro, Gilles Dall, Eric de Starck, Vincent Flibustier, Raoul Reyers et vous, auditeurs de La Première Fidèle, émission d'ailleurs que vous pouvez écouter en podcast sur le site de La Première, lapremière.be, ou tout simplement en allant sur le nouveau site et la nouvelle plateforme de la RTBF, ovio.be. Merci d'être avec nous, tout de suite. C'est presque sérieux sur La Première. Vous pouvez choisir une voiture de société, félicitations. Vous voulez bien sûr un maximum d'options, même si dépasser votre budget n'est pas une option. Chez Opel, vous profitez de plus de voitures de société. Découvrez maintenant les packs Business et Business Premium chez votre concessionnaire Opel ou sur opel.be. Dans votre budget, au-delà de vos attentes, offre réservée aux professionnels. Cette saison, au Villard, Jean Louvet, Sophocle, Peter Brook, Molière, Pietro Pizzuti, Ionesco, Georges Ligny, Labiche, Yasmina Reza, Philippe Jeuzet, Stéphanie Blanchou, Alexandre Antivers, Véronique Olmy, Jo Deuzeur, Stéphanie Van Vive. Découvrez la nouvelle saison du Villard. Tous au théâtre. Et vous? atjv.be. Avec La Première, La Libre Belgique, L'Avenir et TVcom. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie? Gymnastique, danse, natation, équitation? Non, du rugby. Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. La Première. Météo. Bonne fin de journée à tous. La soirée sera encore très agréable. La nuit prochaine sera douce sous les étoiles. 16 à 18 degrés, ce sera assez homogène. Et puis demain, plein soleil à nouveau, avec des maxima attendus de 28 à localement 32 degrés. On aura encore 2 ou 3 degrés de plus jeudi, qui sera la journée la plus chaude. Vendredi, on perd quelques degrés, mais ça reste dans l'ensemble quand même des températures largement au-dessus des valeurs de saison. Samedi, il y aura un risque d'orage sur l'extrême ouest du pays, un risque qui pourrait se propager à l'ensemble des régions dimanche. Vabona, votre arme contre les insectes. La première. Il est 17h. Votre journal, Nicolas Lehmann, bonsoir. Bonsoir. Plus de 30 degrés pendant plusieurs jours. Les hôpitaux, les maisons de repos vont donc recevoir un avertissement. Le plan chaleur va être activé dès demain. Explication dans un instant. Kinshasa, ville morte aujourd'hui. L'opposition appelait les Congolais à ne pas sortir de chez eux pour dénoncer les modalités du dialogue national. L'initiative a été relativement suivie dans la capitale, beaucoup moins dans les autres grandes villes. Vos conditions de circulation avec Pierre Collard-Bovy. Une situation relativement calme pour le moment, même sur le ring de Bruxelles, où le parcours le plus important, 18 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, 18 minutes également pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Mis à part ça, c'est relativement calme. Il va donc faire chaud durant ces prochains jours. Les températures pourront dépasser les 30 degrés. La cellule interrégionale de l'environnement, Céline, active dès demain le niveau 2 du plan ozone et forte chaleur. Marie Bourguignon, en quoi consiste-t-il exactement ce plan ? Le plan forte chaleur et pic d'ozone a été mis en place en 2004, un an après la forte canicule de l'été 2003. Ce plan comporte une phase de vigilance qui débute chaque année, peu importe la météo, le 15 mai pour se terminer le 30 septembre. Mais quand, en été, les températures montent ou que l'on atteint des pics d'ozone, une phase d'avertissement prend place. Ici, c'est le critère des températures qui joue. On a atteint le niveau 2. Philippe Metz, collaborateur à la cellule Céline. Phase d'avertissement de niveau 2 est atteinte lorsque pendant un minimum de 3 jours, la température moyenne maximale est supérieure à 30 degrés et la température minimale reste supérieure la nuit à 18 degrés. Des températures qui sont relevées à Uccle. Une fois que l'IRM communique les prévisions de température à la cellule Céline et que les critères d'avertissement sont rencontrés, toute une série d'acteurs de la santé notamment sont avertis. On envoie, nous, une information, un bulletin d'information spécifique à destination d'un ensemble d'acteurs au niveau sanitaire, au niveau santé, au niveau administration régionale également, au niveau grand public. Il y a des crèches, il y a des maisons de repos. Il y a donc tout un ensemble d'acteurs concernés qui sont informés. Notons que pour cette fin de semaine, la partie ozone du plan n'a pas été déclenchée car le seuil ne sera pas atteint aujourd'hui ni demain. Néanmoins, les risques seront réévalués chaque jour. Trois boîtes d'antibiotiques par an, c'est en moyenne ce qu'ingurgite un bébé belge. Les mutualités libres ont analysé la consommation de médicaments de 300 000 enfants. Les résultats sont interpellants. Un nourrisson sur deux a déjà consommé des antibiotiques. C'est beaucoup trop, d'autant plus que c'est bien souvent inutile. Simon, Gérard, la faute à qui, aux médecins ou plutôt aux parents ? Eh bien, la faute à tous les deux. La faute aux médecins belges qui prescrit trop d'antibiotiques, 3 fois plus que les Néerlandais, 2 fois plus que les Allemands. Mais la faute aussi aux parents qui ne supportent plus de voir leurs enfants malades. Papa, maman veulent des résultats et vite, quitte à gaver le fiston ou la fifi de médicaments. Et pourtant, consommer trop d'antibiotiques, c'est jouer avec le feu en quelque sorte. Plus on consomme d'antibiotiques, plus les bactéries deviennent résistantes. Bref, pour Bernard Candy, chef de service pédiatrie à l'hôpital Saint-Joseph à Mons, il faut réfléchir à 2 fois avant de donner un antibio à son enfant, sous peine de graves conséquences. Lorsqu'on aura vraiment besoin d'un antibiotique pour une bactérie qui provoque une méningite, par exemple, mm-hmm. On n'aura plus de médicaments. Ah, oui. Et je pense que c'est un réflexe citoyen de se dire non, je prends l'antibiotique avec l'accord de mon médecin traitant quand c'est nécessaire, mais pas à tort et à travers pour tout et n'importe quoi, parce que j'ai un petit mal à la gorge ou parce que j'ai une petite toux rebelle, non. Il ne faut pas être extrémiste non plus. Dans certains cas, les antibiotiques, c'est utile, c'est vital parfois. Tout est une question d'équilibre. L'année 2016, déjà une année record en termes de saisie de cocaïne en Belgique. Depuis le début de l'année, les services de douane ont mis la main sur 22 tonnes de drogue. C'était à peine 16 tonnes sur toute l'année 2015. Des chiffres communiqués ce mardi par le SPF Finance. La douane, qui doit constamment s'adapter aux nouvelles méthodes de dissimulation des organisations criminelles. Le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, se félicite de ce résultat et salue le travail des douaniers sur le terrain. Direction la République démocratique du Congo et Kinshasa. Aujourd'hui, la bouillonnante capitale tourne un peu moins vite que d'habitude. Une partie de l'opposition a appelé les Congolais à une journée ville morte, c'est-à-dire à ne pas sortir et à fermer leurs échoppes. Elle boycotte de cette manière le dialogue national qui commence aujourd'hui entre la majorité et l'opposition. Aline Moivreille, est-ce que l'opération est réussie ? Mais le message est visiblement passé à Kinshasa. La circulation y est beaucoup plus fluide que d'habitude, plus vraiment d'embouteillage. Et puis certains magasins n'ont pas levé leur volet aujourd'hui. L'opération visait surtout Kinshasa. Ailleurs dans le pays, le mouvement n'a pas vraiment été suivi, selon les dépêches des différentes agences en tout cas. Et pourquoi organiser cette journée ville morte spécialement aujourd'hui ? Parce que c'est aujourd'hui que commencent les travaux préparatoires du dialogue national. Mais ce dialogue, l'opposition n'en veut pas, en tout cas pas s'il est menée par le facilitateur togolais Edem Kodjo, la marionnette du pouvoir, selon elle. C'est aussi ce que l'on entend dans la bouche de certains Kinois. Écoutez. Si Kodjo ne démissionne pas, nous donnons un message fort à la communauté internationale qu'il y aura un fait au Congo. Si la communauté internationale, c'est une communauté de la paix dans tout le pays du monde, qu'ils viennent de plus vite que possible instaurer la paix ici. Le peuple veut les élections dans les délais constitutionnels. Mais c'est Kodjo veut le dialogue sous l'esprit de M. Kabila. Nous ne voulons pas le dialogue de M. Kabila. Aujourd'hui, c'est l'opération Kodjo des témoignage recueilli par l'agence Reuters à Kinshasa. Bref, pour l'opposition, ce dialogue-ci n'est qu'une mascarade pour que le président Kabila se maintienne au pouvoir. L'élection présidentielle était au départ prévue à la fin du mois de novembre, mais la CENI, qui était chargée de l'organiser, explique qu'elle ne sera pas prête. C'est une certitude, il n'y aura aucun athlète russe aux Jeux paralympiques. Le tribunal arbitral du sport, le TASS, rejette l'appel introduit par Moscou. Cet été, un vaste système de dopage d'État avait été révélé en Russie. Pour les Jeux Olympiques, les choses s'étaient passées un peu différemment. Là, on avait évalué la situation au cas par cas. Ici, c'est donc bien toute la délégation qui est suspendue. Le ministre russe des Sports dénonce une décision politique. Les Jeux Paralympiques se tiendront à Rio du 7 au 18 septembre. Un mot de football. Il avait été champion d'Angleterre la saison passée avec Leicester City. Le défenseur belge Richie Delatt jouera désormais avec Aston Villa. Le club rétrogradé en D2 anglaise cette saison. Richie Delatt était parti en Angleterre dès ses débuts en 2007. Il a signé un contrat de 3 ans avec les Villains. Enfin, elle avait été la toute première à incarner Manon Desources au cinéma. L'actrice Jacqueline Pagnol est morte hier. Manon Desources donc, mais aussi bien d'autres personnages imaginés par son mari Marcel Pagnol. Elle avait aussi joué pour Henri Verneuil dans Carnaval et pour Jean Boyer dans La Terreur des Dames. Jacqueline Pagnol avait 95 ans. Toute l'info est sur rtbf.be. Vous écoutez La Première, on continue avec Walid, c'est presque sérieux. Merci Nicolas, retour dans l'information tout à l'heure avec Arnaud Reussen pour Soir Première. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. La Première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Oui, nous sommes presque sérieux, un état d'esprit pour nous dire simplement que chaque jour peut être le dernier, que le rire est gratuit, qu'il faut s'amuser à l'instant T. Il faut prendre du plaisir là où il est et profiter de ce qu'on aime pour partager des bons moments. Et c'est ce que nous faisons avec vous tous les jours de la semaine entre 16h et 17h30 durant 1h30. On prend du plaisir, on se régale, on s'amuse, de la légèreté, de l'impertinence autour de l'actualité. On survit aussi. Hein. Ah oui, la vie est dure, mais ça nous fait plaisir de passer ces moments d'impertinence et de rire et de joie avec toute cette équipe. Il y a autour de cette table de beaux esprits et des talents. La personne d'Eric de Stark. Bonjour Eric. Bonjour Willy. Avec une chronique aujourd'hui pas un geste. Pas un geste. Ah, ce sera donc une chronique qu'on ne devra toujours pas bouger. Toujours des menaces. Verbales, ça tombe bien pour la radio. Mais c'est très bien. Il y a autour de cette table l'homme au nouvel humour. Vous avez pu le constater il y a quelques minutes et vous allez pouvoir le retrouver d'ailleurs en podcastant l'émission du jour. C'est Gilles Dalle. Hello. Hello. Manu Dipierre, vous avez remarqué, il a même fait de l'anglais. Oui. C'est bien ça. Polyvalence, monsieur. Polyglotte aussi, surtout. Il y a Manu Di Pietro. Oui, de moins en moins. Eh ben oui, il est là. Et il y a Vincent Flibustier aussi. Oui, ouais. Désolé, je suis en retard. Je servais de cible aux avions en papier de vos enfants dans le couloir, Walid. Merci de balancer. Je leur ai dit que je les balancerais. Voilà. Il est payé pour ça. Et il y a l'incontournable Raoul Reyers. Oui, la personne qu'on ne peut pas louper à la RTBF. C'est devenu un monument. C'est une personne, voilà. Quand vous venez visiter la RTBF, vous devez. Dans le béton. Vous devez passer par le bureau pour voir Raoul Reyers. Ces gens viennent faire des photos. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux faire un compliment à mon ami Gilles Dalle ? Dites-moi. Je trouve qu'il parle mieux anglais que Mikhail Modrikamel. Ah ben, ça me fait chaud. Que... America. J'ai jamais fait un aussi beau compliment, Raoul. Et nous allons nous intéresser à l'actualité sans plus attendre avec un des titres du jour. C'est parti. C'est presque sérieux. Sur la première. Revisitons l'actualité et retitrons justement un titre de presse pour parler maintenant de crise pétère, c'est cet équilibre budgétaire. On en parle de plus en plus puisque c'est la rentrée, le gouvernement fédéral doit trouver 2,4 milliards d'euros pour 2016 et 2017. Crise pétère, ce qui déclare qu'en tant que ministre de l'Emploi et de l'Économie, il est préoccupé par le risque que les économies pèsent sur la croissance et la création d'emplois. Plusieurs expressions vont dans ce sens au sein de son parti et au sein d'ailleurs du gouvernement fédéral NVA et MR. Donc, à votre avis, si vous aviez eu la possibilité bien de donner un titre à cette info, l'équilibre budgétaire en 2018, allons-nous l'atteindre ? Point d'interrogation. Que serait-ce ? Raoul Reyers. L'équilibre budgétaire enfin calqué sur nos centrales nucléaires, rien avant 2025. C'est pas mal, c'est vrai ? Oui, ça pètera tout pètera en même temps. Moi, on est certain. Eric de Stark, titre. Procrastination budgétaire. Juste simple. Ouais. Pas deux points, ouvrez les guillemets. Il est dans l'économie des mots. À la Pravda. En fait, j'avais mis deux points. Le nucléaire n'attend pas, le budgétaire, oui. Et ça, Raoul Reyers vous l'a pompé. Ah ben voilà. J'ai soufflé. Les grands esprits se rencontrent. Procrastination fonctionne. Ouais. Gilles Dalle, un titre. Je pensais encore un peu de patience, on y est presque. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Pas faux. La dernière ligne droite. Il y a Manu Di Pietro. Comment est-ce que vous auriez pu retitrer cette info ? L'équilibre budgétaire, point d'interrogation, promis en même temps que le RER, a déclaré la ministre Will Mess. Pas mal. Et enfin, Vincent Flibustier. Ah, tous ces bobos XLOA. Moi, je fais du populaire. Taxe, taudis les petits cons, spot chez nos SDF. La deuxième raison va vous étonner. Voilà. Oh, ça, c'est... Et ça, c'est claque. Et en plus, on a envie de cliquer et de... Ah, tchac, ah ouais. Information 2.0. Et onomatopée à volo. Bien sûr. Bon, à 17h12, une presque star. De qui s'agit-il ? Réponse tout de suite. Et la fête continue ! Il s'appelle Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour à vous. Bonjour à tous les auditeurs. Auditeurs vous saluent. Mon cher Jérémy, pourquoi parle-t-on de vous ? Eh bien, c'est la question que je vais poser sans plus attendre à mes chroniqueurs. 2 minutes pour tenter de le découvrir. Et on s'intéresse à vous dans un instant, mon cher Jérémy. C'est parti, les amis. Gagner quelque chose. Il a gagné quelque chose, non ? Il fait des claquettes. Il fait des claquettes. Il est acteur de cinéma. Acteur de cinéma, non. Champion de céramique. Champion de céramique non plus. Est-ce qu'il roule en Ferrari ? Il roule en Ferrari, mais écoutez, si son activité le lui permet, je pense que dans quelques années, il pourra se le permettre. Il gagne beaucoup d'argent ? Il crée de l'activité économique. Je pense que dans quelques années, il en gagnera beaucoup. Ah bon ? Est-ce qu'il a un lien avec Donald Trump ? Absolument pas. Avec Mikhail Modrikamen ? Non plus. Il prépare un casse à la banque ? Il prépare un casse à la banque ? Non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose ? Il n'a pas inventé quelque chose, mais il a importé quelque chose. Ah. Un produit ? Oui. C'est pas tout à fait un produit, mais... Un concept. C'est pas un concept. C'est tangible, je veux dire, on peut le toucher. On peut toucher, c'est un concept. Il fait du trafic d'êtres humains. Non. ça marche. Noble métier. Une nouvelle sorte de boudin. Non, mais on n'est pas très loin, on est dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire. Ouais. Un type de livraison, un bain domicile. Non. Dans le salé ou le sucré ? Dans le salé plutôt, mais ça peut être sucré. Une mozzarella, mais... Cassonade. Il est passeur de chips syriens. Non, mais on est dans les chips. Sorte de chips. Un goût chips. Aux légumes. Chips sans graisse. Pas aux légumes, non. Pas des chips de pommes de terre. Non. À la viande. Non, mais on n'est pas très loin. Des chips. Ah, la fausse viande. Végétale. Des chips au tofu. Des chips à la mortadelle. Non. Des chips de cornichon. Non. Des chips. C'est quand même pas des chips. C'est pas tout à fait des chips. Bon, c'est des pommes de terre, des frites. Henri Légénard, vous pouvez servir ça à des amis. Ah, c'est des insectes, des petits insectes apéritifs. Effectivement, Vincent Flibustier, vous êtes le fondateur. C'est très bon. De beaucoup de food, Jérémy Verlinden, un point commun entre le ver de terre, le ver de farine, pardon, le grillon et le criquet, ça fait partie des 10 insectes autorisés à la consommation en Belgique. Il n'y en a que 10 autorisés, n'est-ce pas, Jérémy ? Moi, je bouffe tout ce que je trouve. Alors, dites-nous un petit peu les insectes. J'ai eu le plaisir, moi, de goûter certains de vos insectes. Sur le BSF. Alors c'est très bon. Au départ, on y va. Bon, on n'y va pas, en fait. parce que vous venez vers nous. Hein, mais après, on y va vraiment bien. Alors, moi, je les ai servis à des amis qui mangent donc forcément comme tout le monde, avec d'abord les yeux. Et une fois qu'ils l'ont en bouche, le petit insecte, eh ben, ça croque. C'est petit salé, c'est très bon. C'est un coup de noisette. Ce qui est très perturbant, c'est les vers de farine dans les pâtes, par exemple, parce qu'on a l'impression qu'ils bougent encore quand on tourne à la fourchette et ils ont l'air vivants. Alors, pourquoi vous mettre en avant simplement? Parce que, bah, on le sait, le monde va mal, il va falloir trouver d'autres moyens, en tout cas, de nous alimenter. Et les insectes font partie, justement, de ces solutions. Effectivement, donc, les insectes comestibles sont une alternative, une très bonne alternative à tout ce qui est viande, que ce soit bovine, porcine ou même de la volaille, principalement au niveau des protéines et tout ce qui est valeur nutritionnelle qu'on peut trouver dans les insectes comestibles. Alors, des vers de farine au sel marin ou encore des grillons au wasabi, c'est ce qu'on peut retrouver en tout cas chez vous. Il y en a pour tous les goûts. Vous étiez, avant de vous lancer dans cette activité, inspecteur de police. Effectivement, oui, j'ai passé 10 ans à la police et donc voilà, c'est vraiment un changement de profession. Et alors, vous faites de l'élevage également, c'est bien ça, du côté de Berkem-Saint-Agathe. Donc c'est cela. Donc nous ne faisons pas du tout d'importation de nos produits. On élève nos insectes sur notre ferme d'insectes qu'on a sur Berkem-Saint-Agathe. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, on a une production de vers de farine, de grillons et on a commencé il y a quelques jours une production de sauterelles. Et Jérémy, les limaces, c'est pas bon, hein? Non, les limaces, c'est pas ça bon, colle. Non. Alors, avec du sel. Ça colle entre les dents. Alors, les insectes que vous élevez sont bouillis, déshydratés, puis aromatisés. Vous n'avez pas peur d'avoir Gaïa sur le dos au moment où des associations de défense des animaux, des insectes? Ben, écoutez, pour l'instant, non, ça va. J'espère qu'on n'en aura pas dans le futur. Maintenant, voilà, c'est plus par rapport à au temps de vie des insectes. Voilà, quand on prend une vache qui va vivre plusieurs années, comparé à un insecte qui, au bout de 4 mois, va arriver à sa maturité, va mourir naturellement, autant l'employer pour notre consommation. Et est-ce que c'est le mode de production qui fait que c'est très cher? Parce que quand on en voit dans les magasins, ça coûte plus cher que de la viande. Enfin, on est à 30 euros le kilo de verre farine, un truc du style. C'est hors de prix, je veux dire, en tout cas, c'est un petit peu gadget pour le moment, mais on ne peut pas se nourrir qu'avec ça, ça coûte beaucoup trop cher. En tant que motard, moi je roule la bouche ouverte. Dans le cadre actuel, le prix au kilo est assez élevé, mais c'est parce que voilà, ça vient seulement de se développer en Belgique, donc ça fait seulement 1 an et 4 mois qu'on a vraiment eu l'autorisation au niveau des législations. Maintenant, voilà, au plus, moi de mon côté, mon élevage prendra de l'ampleur, au moins forcément j'aurai le frais, au plus j'aurai l'insecte, donc les prix pourront diminuer aussi. Maintenant, par rapport aux apports nutritionnels, 1 kilo de bœuf va vous amener 18 grammes de protéines, 1 kilo de grillon, 50 grammes de protéines. Donc forcément, il faut manger moins d'insectes pour avoir autant de protéines que de la viande normale. Est-ce que vous pourriez me prêter quelques insectes? Parce que j'adore le bruit des grillons dans mon jardin. Un petit bocal, hein? Cigales. Ça suffit. Ils sont morts. Mais non, je suppose qu'on ne les élève pas morts. Ça viendra. Et puis, de toute façon, il y a un avantage. Il est d'abord environnemental, c'est évident. Et puis, il reste à voir maintenant si les Belges, les futurs consommateurs, vont dépasser cette fameuse barrière psychologique. Ils travaillent à des steaks en insectes, mais qui ressemblent à des steaks comme on les consomme, justement, pour ne pas avoir... Et comme dessert, des effets de rejet. Un bon ballotin de hanneton. Ça peut être bon. En tout cas, je vous invite à aller découvrir ce petit magasin, ce petit vendeur d'insectes qu'on a découvert et qu'on voulait mettre en avant. The Good Food, ça fait partie de l'avenir. C'est le futur. Hein, voilà, nous avons le futur avec nous, le futur alimentaire. Merci, Jérémy, d'avoir joué le jeu, d'être notre presque Merci star. À vous. On mettra d'ailleurs toutes les informations concernant votre entreprise et puis la manière dont on peut se procurer des insectes. Rassurez-moi, si on trouve des insectes à la maison, c'est la question que mes enfants m'ont posée. Est-ce qu'on peut les manger directement? Est-ce qu'on peut à un moment donné les garder, les frire ou c'est pas recommandé du tout? Ben, c'est pas recommandé du tout de les manger comme ça. Mais non, bon, tous les enfants, je veux dire, sont passés par le câble de on trouve un ver de terre dans le sol et on le mange. Voilà, maintenant de là à faire son alimentation principale, je ne conseille vraiment pas du tout. Il n'y a que vous qui faites ça. Non, pas tous. Non. Moi, les miens, ils les coupent en deux pour voir s'ils vivent encore. Il faut le voir, du ketchup. Voilà, ouais. c'est des psychopathes, les miens. Donc voilà, merci Jérémy. Restez presque sérieux. Vous également qui nous écoutez, puisque dans la suite, on s'intéresse à l'actualité revue et corrigée, cette fois-ci par Eric de Starck, au menu Pas en enfin. Geste. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre. On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où on chira. Par ici, s'il vous plaît, je vais vous présenter vos nouveaux collègues. Attention, le sol vient d'être nettoyé, ne glisse pas. Ça va, mademoiselle? Oui. C'est par là. Un accident du travail, c'est vite arrivé. Avec la boîte de prévention gratuite de Fédéral Assurance, vous êtes doublement gagnant. Vous pouvez éviter les accidents du travail et découvrir comment diminuer votre prime d'assurance. Plus d'infos sur sécuritéautravail.be ou fédéral.be. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Salut, je suis Pat la tomate et je suis la meilleure. Moi c'est Borat, la meilleure des meilleures tomates. Et moi c'est Tom. Oui, la tomate aussi. Non, Tom la crevette. Mais je me ferais bien une tomate. Rouge, verte, jaune, noire, zébré, cœur de bœuf, cornu. Les tomates sont aussi surprenantes que délicieuses. Avec Good Food et les Jardins de Pomone, venez découvrir les meilleures variétés lors du Brussels Tomato Festival les 27 et 28 août à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif, cultivons nos différences. La rentrée scolaire avec Le Soir. Français, maths, sciences, histoire, géo. Le Soir propose 4 rendez-vous destinés aux jeunes lecteurs qui rentrent en secondaire et souhaitent remettre à jour leurs connaissances. Chaque jour, 2 pages d'exercice avec leurs correctifs pour bien réviser. En route vers le secondaire, du 22 au 25 août, avec Le Soir. La première présente, le 7e rallye Jazz 04 au fil de l'eau. Avec en concert, Jeff Neve, Luigi Tessarolo et Roberto Tofik, Franck Agulon, Raphaël Brochet et Philippe Hartz, Franck Vaganet, Ami Terrien, Flig Maskin et bien d'autres. Ce dimanche 28 août, les plaisirs et surprises de la note bleue pour tous à Liège. Info, jazz04.be. La première. Mobile Info. À 17h presque 22, c'est l'heure de retrouver Pierre Collard-Bovy pour faire un point sur vos conditions de circulation, Pierre. Oui, avec toujours quelques ralentissements dans les tunnels de la capitale et puis un accident dans l'échangeur de Woluwe et Saint-Etienne. La bande droite est neutralisée. Il y a des fils dans la bretelle reliant le 40 venant de Liège au ring de Bruxelles en direction de Grand Bigard. 20 minutes de temps de parcours supplémentaire pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 18 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 17 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Les autres temps de parcours se limitent en dessous des 10 minutes de temps de parcours supplémentaire. Terminé pour l'accident sur le 314 Louvain-Mass-Mechelen à hauteur de Zolder, mais le trafic s'effectue encore en accordéon et grosso modo vous perdez une quinzaine de minutes en direction de Mass-Mechelen. Et puis toujours ces travaux qui vous ralentissent également sur le Rune 3 de Charleroi. Circulation ralentie sur le viaduc de Couillet, vous perdez une dizaine de minutes en direction de Gouy. Notez encore ce ralentissement à la frontière française sur le 40 Yabé-Calais entre Bredune et Guivelde, vous perdez une quinzaine de minutes. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Rendez-vous avec le sérieux de l'information dans un instant, soir première présentée par Arnaud Reussen. En attendant, direction les États-Unis avec Eric de Starck, puisqu'on apprend qu'un policier a tué un conducteur sourd, muet, non armé, lors d'un contrôle routier. Oui, on reste sans voix, nous aussi, mais pas vous, Eric, puisqu'on vous écoute tout de suite. Non, parce qu'en Amérique, tout est possible. C'est un fait anecdotique, voire banal. Un automobiliste commet un excès de vitesse, un agent de la circulation, c'est son job, prend en chasse le contrevenant pour mettre un terme à l'infraction commise par le malfrat. Dépasser la vitesse autorisée, quel crime abominable. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Bon, notez que pour le coup, cette fois aux États-Unis, il était plutôt blanc. Faut dire que cet enfoiré a dû sérieusement agacer le brave policier. Sourd, passe encore, mais muet de surcroît. Et après, ils se disent incompris. Incompris, mon œil. Il y en a vraiment qui le font exprès. Faut pas s'étonner si après, il meurt. Hein. Bon, l'automobiliste était non armé, c'est vrai. Mais il présentait un comportement vraiment agressif. Reconstituons les faits, voulez-vous ? Le chauffeur, qui ne s'exprimait que dans la langue des signes, après son léger excès de vitesse, n'a entendu ni la sirène, ni les injonctions du sergent German Saunders. Le policier a affirmé qu'après avoir obligé le conducteur à sortir de son véhicule, celui-ci n'aurait pas obtempéré. Alors qu'il lui posait des questions et lui intimait de ne pas bouger, mais à chaque fois qu'il devait répondre à une question, il commençait à se trémousser, à se tortiller dans tous les sens. Le représentant de la loi ne connaissait pas la langue des signes. On ne peut pas tout connaître, hein. Faut déjà connaître la loi. Et puis faut pouvoir démonter une arme et la remonter les yeux bandés aux États-Unis. Faut pouvoir reconnaître un blanc d'un noir, c'est pas simple. Alors la langue des signes, faut pas bouser. Pourquoi pas le flamand, tant qu'on dit, hein. Bref, le pauvre shérif a dû confondre la gestuelle du contrevenant. Lui, il voulait dire « je me rends » et le policier a compris « va te faire foutre, connard ». C'est de sa faute aussi, il n'avait qu'à s'exprimer clairement. Quand on est sourd et muet, on pense aux autres et on soigne sa gestuelle. C'est pas le mime Marceau qui se ferait descendre par un policier. À la décharge du chauffeur, sourd et muet, il faut avouer que ce n'est pas simple de signer les mains sur la tête et la gueule dans le capot. German Saunders a abattu froidement le jeune homme de 29 ans. « C'était lui ou moi », a-t-il déclaré. Daniel Harris est mort sur le coup, il a juste eu le temps de dire « en fait, on ne sait pas quoi. L'agent Saunders a essayé d'expliquer, mais c'était flou. Daniel Harris aurait tendu l'index vers le haut, dans sa direction, en le séparant des autres doigts. L'agent pense qu'il a voulu dire « pardon, je m'excuse », mais ce n'est pas sûr. La famille du jeune homme a lancé une collecte pour créer une fondation en son nom pour former les policiers en cas de confrontation avec une personne sourde et muette. Le sergent John Baker, le porte-parole de la police, appelle également à une réforme du dispositif d'enregistrement des véhicules pour que soit signalé un conducteur sourd lorsque les policiers entrent son numéro d'immatriculation dans les ordinateurs. Et puis, si ça ne fonctionne pas, il propose aussi de coller un autocollant à l'arrière du véhicule avec écrit dessus « klaxonnez fort, je suis sourd ». Trump, Donald Trump, a proposé qu'on arme les sourds et muets pour qu'ils puissent se défendre en cas de contrôle. Le parquet, quant à lui, est resté muet. Moralité, ne dites jamais pas un geste à un sourd et muet. Ah, merci Eric de Star. Mais John Baker, c'était le c'est Chips, hein. Oui, c'est ça. C'est Chips. Ouais. Et oui, c'est Chips. Mais il est un peu arrangé l'histoire, mais c'est une histoire vraie. Merci Eric de Star. En attendant à 17h26, le presque au mois de la fin. Cette conversation est terminée. Avant de retrouver Arnaud Roysen pour conclure cette émission, une info, une actualité que vous avez retenue pour nous et que vous résumez en un mot, Raoul Reyers. Écoutez, Donna May Wold s'est éteinte. Ah bon ? Vous savez qui c'est ? Ah bah bien sûr. La doyenne de l'humanité ? Pas du tout. C'était la petite fille aux cheveux roux, la copine de Charlie Brown. Oh, oui, la petite fille. Eh bien, en fait, dans la réalité, c'était l'amour d'enfance de Charles Schulz. Mm-hmm. Quand il a créé le personnage, elle lui a toujours refusé sa main. Bah, faut dire qu'elle avait 87 ans, le diabète et qu'elle a fait une crise cardiaque. Oui, bon bah, donc ça voilà. Fait beaucoup. On ne peut pas tout avoir. Mais Eric voilà. De Stark, presque au mot de la fin. Ben, la première lance sa nouvelle grille, et bientôt à table, une des émissions phares. Eh bien, la nouvelle vient de tomber. Cette émission, soi-disant culinaire, ne serait qu'une façade pour des espions internationaux. Ceux-ci se serviraient de cette émission pour communiquer entre eux en toute impunité. Sophie Muntz serait en réalité un agent du Mossad et Carlo De Pasquale serait en réalité le fils caché de Camilo Sefuenga, assassiné vraisemblablement par Castro lui-même. La sulfureuse Matahari de la cuisine et l'intraitable Carlo se serviraient de cette heure d'antenne pour faire le compte-rendu des victimes qu'il torture dans les caves du boulevard Reyers et qui se mettent à table. Sud Presse révélera bientôt la vérité. Merci. Bientôt à table, Raboul. Merci. Donc c'est ce que vous avez retenu. Donc la rentrée de la première. Non, la rentrée de la première, effectivement. Bon, Gilles Dal. Vous en avez parlé hier, mais donc j'ai découvert que ce matin que le prince Laurent s'était ouvert un compte Twitter sous le nom Laurent of Belgium, à ne surtout pas confondre avec le compte parodique Laurent of Belgium. Et en fait, il est facile de les dissocier parce que le premier c'est Laurent of B. Et le second, c'est Laurent Hofbé, mais avec underscore. Ah, d'accord. Ça va être facile de dissocier. Merci. Manu Di Pietro. Mais moi, c'est T. c'est même pas un mot, c'est une lettre, T, qui est en rouge sur le livre « Tout pour la France » de Nicolas Sarkozy. Et un nouveau débat de haute volée en France. Personne ne sait pourquoi c'est en rouge. Apparemment, il n'y a pas de raison. Mais sur Twitter, ça a généré apparemment 30 000 réactions. Ah ben, on en saura un peu plus dans les prochaines semaines. Et enfin, Vincent Flibustier. Eh bien, comme Eric, j'ai suivi la rentrée d'RTL. Et Stéphane Powell, c'est un agent secret qui travaille pour Donald Trump. Ah ben voilà, on sera tout. On merci pourquoi, à enfin. Tous. Rendez-vous demain dès 16h pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux où nous prendrons un peu de recul par rapport à la vie, au monde et à l'actualité qui nous entoure pour la redessiner et surtout pour nous amuser. Prenez du plaisir, amusez-vous et surtout restez presque sérieux dans un instant, presque sérieusement et sérieusement même. C'est Arnaud Hyssen qui vous informe pour Soir Première à demain 16h. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure à 20h. Le monde est un village. Le festival d'art de Wii bat son plein actuellement. Nous couvrons l'événement avec des émissions en direct. Et ce soir, à notre micro, il y aura la chanteuse Lula Pena et le groupe italien Kalashima. A tout à l'heure pour de belles découvertes et de belles rencontres. Le monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première présente La Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Si j'ai bien compris, vous voulez que je pose du parquet sur la Grand Place de Bruxelles. Voilà, c'est ça. Et sur le piétonnier aussi. Ah bah oui. Eh ben ça marche, pas de problème. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. 3 tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy.